connaissais pas, mais c'était délicieux. J'aimais leur corps, leurs lèvres, et puis aussi leurs yeux. J'aimais en avoir cinq ou six autour de moi. Je me sentais alors bien plus puissant que roi. J'aimais ça, ah, ah, oh oui, j'aimais ça. J'aimais les belles voitures et c'était mon bonheur. J'aimais comme un cinglé filer à 100 à l'heure. Car quand je voyais les heures défiler sous mes yeux, je me sentais alors bien plus puissant que Dieu. J'aimais ça, oh, oh, oh, ouais, j'aimais ça. J'aimais les casinos comme on aime un primur. J'aimais aller gagner un peu d'argent impur. Oh, avec ma chance inouïe, c'était toujours la fête. Je voyais devant moi s'entasser les plaquettes. J'aimais ça, oh, oh, oh, ouais, j'aimais ça. J'aimais les belles maisons, j'aimais les grands châteaux. Pour pouvoir le soir y reposer les os. Quand j'y rentrais pour but et plein de lassitude, j'y retrouvais toujours mes vieilles habitudes. J'aimais ça, oh, oh, oh, oui, j'aimais ça. J'ai des crises de folie et son rythme endiablé. Me rentre dans la peau comme un baume chantant. Il est le dieu tout puissant des rythmes ardents. Car j'aime ça, oh ouais, je n'aime plus que ça. 1, 2, 3, c'est le twist.